Audiomatique. Cette courte introduction à la transmission 263 d'Audiomatique était l'œuvre du projet américain Ganja Sufi et s'intitulait Rubber Band. Cette chanson est extraite du deuxième album studio de Ganja Sufi qui prend le titre de Muzzle et qui a été lancé en 2012. Les sonoristes propagent toutes sortes d'ambiances et d'atmosphères sonores durant les transmissions d'Audiomatique, et celle-ci ne fera pas exception à la règle, mais aura très certainement une portée touchant davantage le côté contemplatif de la musique, à tout le moins pour les prochaines 30 minutes. caído. El pian desde el cerro rugirá. Su equilibrio aún no está perdido. Con tus pies en el suelo lo verás. Y la lluvia caerá. La noche brillará. Y el cóndor en su nido escondido se refugiará. La tierra arderá. Y en un sueño profundo tu mundo desaparecerá. Chungungo su presa pescará. y el albatros al sur ya anida, y el que hay florida crecerá, y el litre sus hojas botará, y el quirquincho el desierto poblará, y hallareta sus pasos seguirá, y el bosque nativo volverá, las cenizas del suelo cubrirá, y en un sueño profundo el mundo aparecerá. À Audiomatique, le projet chilien Deroc nous offrait sa pièce Conciencia, composée conjointement avec le projet colombien Biomigrant, dans le cadre du plus récent album de Deroc, paru en mai 2019 et dont le titre est La Huella. Et avant cela, nous écoutions Connect.home, qui met à contribution les artistes Alexandre Scheffer et Hidetoshi Koizumi, respectivement des projets Cell et Hybrid Leisureland. La collaboration entre les deux artistes, prenant forme sous le nom Connect.home, a permis la production d'un seul album intitulé 9980, dont nous avons d'ailleurs entendu la pièce titre. Il a fait paraître son plus récent album en format numérique le 3 octobre dernier et la version physique devrait paraître le 8 novembre prochain. Voici à Audiomatique Nick Cave and the Bad Seeds et un extrait de son album Ghosteen. Fires continued through the night. The kid with a bad face appeared at the window and disappeared into the headlights. I was halfway to the Pacific coast. I'd left you in your longing, in your yearning like a ghost. There's little room for wonder now. and little room for wildness too. We crawl into our wounds. I'm nearly all the way to Malibu. I'm gonna buy me a house up in the hills, with a tear-shaped pool and a gun that kills. 'Cause they say there is a cougar that roams these parts, with a terrible engine of wrath for a heart. That she is wise and rare and full of all kinds of harm, and stalks the perimeter all day long. But at night lays trembling in my arms. And I'm just waiting now, my time to come. And I'm just waiting now for my time. For my time to come. And I'm just waiting now for my time to come. And we hide in our wounds. I'm nearly old Malibu, and I know my time will come one day soon. I'm waiting for peace to come. I'm nearly all the way to Malibu. Oh, babe, we're on the run, we're on the run, we're on the run. Halfway down the Pacific coast, I left you sleeping like a ghost in your womb. Dreams were your greatest part. I can't. carry them with me in my heart. Darling, your dreams were your greatest part. I carry them with me in my heart. Somewhere, don't know. Standing on the shore while the animals roam the beaches, see creatures rise out of the sea. And I'm standing on the shore, everyone begins to run. The kid drops his bucket and spade and climbs into the sun. Everybody's always losing somebody and walked forest and buried her child. Audiomatique, nous écoutions la pièce Hollywood du dernier album de Nick Cave and the Bad Seeds, intitulé Ghost Teen. Cet album est le dernier d'une trilogie qui a débuté avec l'album Push the Sky Away en 2013 et qui s'est poursuivi avec Skeleton Tree en 2016. Lors de l'enregistrement de Skeleton Tree, son fils Arthur, alors âgé de 15 ans, est décédé après avoir fait une chute fatale d'une falaise. Cet événement tragique a poussé Nick Cave à revoir certaines paroles des chansons qu'il avait déjà composées pour Skeleton Tree. D'ailleurs, le documentaire One More Time With Feeling, relatant le processus créatif de cet album, est paru en septembre 2016. Et toujours dans cette mouvance, il nous présente ici Ghost Teen, un album double que l'on pourrait presque qualifier de cathartique. Il s'opère maintenant un changement de paradigme musical à Audiomatique et c'est le groupe américain Violent Femmes qui se charge de faire la coupure. We'll be right back.

à Audiomatic. La formation britannique Attrition mettait un terme à cette séquence musicale de deux pièces avec Thin Red Line apparaissant sur l'album A Tricky Business. Et avant Attrition, nous écoutions la pièce Black Girls composée par la formation Violent Femmes, pièce apparaissant sur l'album Hallowed Ground paru en 1984. Les sonoristes ont toutefois puisé la pièce sur l'anthologie Add I Plus Up qui retrace les débuts de Violent Femmes en 1981 jusqu'en 1993. Le groupe a continué d'évoluer ensuite et a d'ailleurs lancé l'album Hotel Last Resort un peu plus tôt cette année. Si nous restons fidèles à la suite des choses, nous en sommes rendus à la conclusion de cette transmission 263 d'Audiomatic. Nous vous proposons d'entendre, pour clore cette émission, le groupe américain Medicine, mené par le guitariste Brad Lehner. Nous écouterons la première pièce, disons-je, de leur premier album, soit la chanson One More de l'album Shut Forth Self-Living, sorti en 1992. La fin de la transmission 263 indique l'imminence de la transmission 264 qui deviendra réalité mercredi prochain dès 17h à partir du studio de C'est Fou 89.1 FM. Par la suite, cette réalité ponctuelle se transférera en réalité intemporelle dans les univers numériques où il est possible d'accéder aux transmissions d'Audiomatic sans contrainte de temps et d'espace. Il s'agit alors de visiter nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-cfou pour être en mesure d'écouter les musiques que vous proposent chaque semaine les sonoristes. Voici donc Medicine et la chanson One More. C'était Audiomatic avec les sonoristes.